Se dépêcher est un verbe réflexif, c'est-à-dire qu'il s'emploie avec sich, se. Se dépêcher, c'est sich beeilen. Sich beeilen. Ainsi, je me dépêche se dira Ich beeile mich. Ich beeile mich. Je me suis dépêché. Quand on plonge dans le passé de beeilen, on trouve beeilt. Ich habe mich beeilt. Ich habe mich beeilt. Je me dépêcherai. Je vais me dépêcher. Ich werde mich beeilen. Bien. Ich werde mich beeilen. Je dois me dépêcher. Ich muss mich beeilen. Ich muss mich beeilen. Dépêchez-vous. Beeilen Sie sich. Beeilen Sie sich. Beeilen Sie sich. Vous devez vous dépêcher. Sie müssen sich beeilen. Sie müssen sich beeilen. Je me suis dépêché. Ich bin mich. Vous vous êtes trompé de plongeoir. Sich beeilen n'est pas un verbe de mouvement. C'est un verbe en sich. Donc, on doit plonger à partir du plongeoir avoir. Ich habe mich beeilet. Beeilt. Beeilt. C'est bien. Ich habe mich beeilt. Nous nous sommes dépêchés. Wir haben uns beeilt. Wir haben uns beeilt. Si je m'étais dépêché, je serais arrivé plus tôt. Procédons étape par étape. Si je m'étais dépêché. Wenn ich hätte. C'est la même construction que pour les phrases introduites par weil. Wenn ich mich beeilt hätte. Bien. Wenn ich mich beeilt hätte, je serais arrivé plus tôt. Attention, vous avez commencé la phrase avec si je m'étais dépêché en première position. Donc maintenant, place au verbe qui vient par conséquent en deuxième position. Vous devez dire serais-je arrivé plus tôt? Wäre ich früher angekommen. Très bien. Wäre ich früher angekommen. Wenn ich mich beeilt hätte, wäre ich früher angekommen. Si je m'étais dépêché, wenn ich mich beeilt hätte, je serais arrivé plus tôt. Comme wenn ich mich beeilt hätte prend la première position dans la phrase, vous devez inverser le verbe wäre et son sujet ich pour mettre le verbe en deuxième position. On a donc wäre ich früher angekommen. Serais-je arrivé plus tôt? Wäre ich früher angekommen. En revanche, si vous dites cette phrase dans l'autre sens, je serais arrivé plus tôt si je m'étais dépêché. Ich wäre früher angekommen, wenn ich mich beeilt hätte. Vous n'avez pas besoin d'inverser le verbe et son sujet, car vous commencez la phrase par ich, le sujet. Bien. Comment diriez-vous je l'aurais vu et je l'aurais acheté? Ich hätte es gesehen. Ich hätte es gesehen. Et je l'aurais acheté. Und ich hätte es gekaufen. Gekauft. Gekauft. Gekauft. Ich hätte es gesehen und ich hätte es gekauft.